France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Il existe un pèlerinage des ruines, un voyage initiatique sur les traces des civilisations anciennes. Prenez le cas de la Grèce. C'est peut-être le grand cas d'école, la figure obligée. Au XIXe siècle, on avait coutume de dire que l'exploration des vestiges de la Grèce ancienne était un détour obligé dans la formation intellectuelle de l'honnête homme. L'itinéraire de Paris à Jérusalem, de Chateaubriand, avait laissé des traces. Quitte, évidemment, à fantasmer un héritage millénaire au détriment d'une société contemporaine bien vivace. En 2007, l'émission d'Emmanuel Laurentin, La Fabrique de l'Histoire, se penchait sur les variantes successives de ce périple initiatique sur les traces de la Grèce antique. C'est un péché contre l'esprit et la beauté, disait un jour Clémenceau, que de mourir sans connaître la Grèce. Avant d'y être allé moi-même, je me doutais bien que le tigre disait vrai. Mais maintenant, j'en suis sûr. Samy Simon, 27 mai 1952. Cette terre exceptionnelle, où l'on circule littéralement au milieu d'un parterre de dieux, où le sol que l'on foule semble fait d'une poussière de chef-d'œuvre, où la lumière elle-même a du génie, cette terre recèle encore un grand message humain dont le monde, longtemps encore, espérons-le, pourra s'inspirer. Jean Giraudoux, l'Italie, la Sicile, Nantes, la Grèce, publié en 1835. Rien n'est difficile comme de bien voir. C'est pour cela qu'il y a si peu de vérité dans le voyage. Et je pense que c'est tout à fait vrai. Jacques de la Cretelle, 8 mai 1951. On va d'Olympie à Athènes par chemin de fer. Mais que ceux qui auront l'occasion de faire la route en voiture à partir de Corinthe, que ceux-là n'hésitent pas. Car cette route est une des plus belles de Grèce et elle ménage le meilleur accès vers Athènes. Tout d'un coup, à un détour du chemin, elle nous montre au loin, isolée des constructions modernes et détachée haut sur le paysage, l'acropole couronnée par le Parthénon. Vous vous rappelez peut-être comment Chateaubriand, dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem, a fixé cette surprenante vision. « Mon étoile, écrit-il, m'avait amené par le véritable chemin pour voir Athènes dans toute sa gloire. » Le voyage en Grèce au XIXe siècle, sur les traces du pèlerinage intemporel de Chateaubriand. Ioanna Vassilakopoulou. Au début du siècle, alors que la Grèce se trouve sous la domination ottomane et jusqu'à la guerre d'indépendance de 1821, on a des personnes qui se rendent en Grèce pour lutter aux côtés des Grecs. Donc on parle de Philélène, ils sont des anciens généraux, des personnes qui ont eu d'autres expériences de guerre. Ensuite, il y a aussi bien sûr ceux qui commencent à se rendre grâce à l'influence de l'itinéraire de Paris à Jérusalem de Chateaubriand. Il s'est rendu en Grèce en 1806. Donc son voyage littéraire a été capital pour la formation de voyageurs romantiques qui ont suivi parfois à la lettre sa façon de d'écrire. Donc on a des récits pittoresques, des descriptions détaillées du paysage. Donc on suit un peu le pas des anciens, comme Pausanias, on voyage avec Pausanias à la main. Et c'est un peu ce style-là qui commence au début du siècle. Ensuite, donc, ça change à partir de 1832, avec l'installation du roi de Bavière, Othon Ier, qui s'y installe jusqu'à son expulsion en 1862. Donc, on a un roi étranger, mais qui est influencé par son père, Louis Ier de Bavière, qui a été un grand philhellène et qui avait construit une image néoclassique grecque à Munich. Donc, le roi Bavière répète un peu, le roi Othon répète un peu ces modèles-là à Athènes. On a une organisation qui commence, on a aussi des moyens de transport qui se développe énormément à cette époque-là, comme par exemple le premier bateau à vapeur qui sillonne la Méditerranée en 1832, le Ferdinando Ier. Donc tout cela, ça joue un rôle parce que plus la Grèce devient proche, plus il y a des éléments pour la critiquer. Elle devient moderne. Je fis la traversée avec deux enseignes de vaisseaux qui allaient rejoindre la station du Levant et l'amiral Romain Desfossés. Ces messieurs riaient beaucoup de mes illusions sur la Grèce. L'un d'eux avait vu le pays, l'autre le connaissait aussi bien que s'il l'avait vu, car chaque carré d'officier, à bord des bâtiments de l'État, est un véritable bureau de renseignement où l'on sait au juste les ressources, les distractions et les plaisirs que peut offrir chaque recoin du monde, depuis Terre-Neuve jusqu'à Tahiti. Dans nos longues promenades sur le pont, mes deux compagnons de voyage me désabusaient à qui mieux avec une verve désolante et faisaient tomber mes plus chères espérances comme on gaule des noix en septembre. Edmond Abou, 1854. Chacun part avec ses propres images préconçues. Et comme par exemple en 1852, on a un célèbre voyageur, Edmond Abou, qui a été un normalien, un jeune libéral, qui en avait un peu marre de l'éducation classique et il voulait se mettre à l'encontre de tout ce qu'il avait appris pendant sa jeunesse. Des vieilles humanités. Voilà, un peu ça. Et donc, il s'est rendu en Grèce avec cet esprit un peu déchangé, ce qui s'est passé jusque-là. C'était un peu quelqu'un d'opportuniste, donc qui voulait écrire. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, il y a des films au cinéma très caricaturaux sur le pays, comme Joula comme Beckham pour les Indiens ou Le mariage à la grecque pour les Grecs. Imaginez, à cette époque-là, c'était un peu pareil. Edmond Abou a écrit un récit de voyage qui est réédité même aujourd'hui, qui s'appelle La Grèce contemporaine, et qui caricature un peu le pays moderne. Donc c'est un livre qui a eu beaucoup de succès et qui a eu une grande influence. Mais par contre, ses compagnons de voyage avaient une mentalité complètement différente. Par exemple, lui, il s'est rendu en Grèce avec l'architecte Charles Garnier, qui a fait l'opéra Garnier. Il a été émerveillé par l'Antiquité, donc lui, il est venu en Grèce grâce aux envois de Rome, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a cette étape très très importante à partir de 1844. Il y a l'Académie des Beaux-Arts à Rome qui envoie des architectes et des peintres en Grèce et plus tard, d'abord en Italie, ensuite en Grèce, plus tard dans le Proche-Orient, pour faire des propositions de restauration des temples. Et c'est par exemple comme ça que Charles Garnier est allé à l'île d'Égine pour étudier les temples d'Aphéa à Égine, les temples d'Apollon épicurien, comme on disait, et pour faire une proposition de restauration du temple. La fable ici valant l'histoire, je tiens pour accorder tout ce que les Grecs modernes avancent d'historique ou de fabuleux quant à leur parenté avec la Grèce antique. De quoi les chicaner ? On leur a reproché les ingrédients vénitiens, turcs, slaves, albanais de leur langue, ou ces corruptions populaires. On a dressé un compte des nombreux éléments étrangers qui, depuis le Moyen-Âge ou la fin de l'Antiquité, venus du Nord ou de l'Asie, s'ils ne venaient de Rome ou de Venise, se sont mêlés au pur élément hellénique jusqu'au point de l'influencer. Massacre, apostasie, migration, on a tout supputé en vue de conclure que la race autochtone avait disparu sans retour. Mais cette conclusion, toujours énoncée avec force, est tantôt précédée, tantôt suivie de concessions et de corrections de détails qui la ruinent de tout au tout. Charles Maurras, 1896. Dans les années 1860, c'est la continuité de l'histoire de la Grèce. Donc, grâce aux travaux scientifiques littéraires d'Émile Heger, on a maintenant une mentalité, c'est celle de la continuité de l'histoire. Alors qu'avant, il y avait l'Antiquité et la modernité, il y avait la comparaison entre ces deux-là. Maintenant, on commence à voir vraiment qu'il y a une continuité dans l'histoire. Il n'y a pas ce monde-là découpé de l'autre. Et c'est à partir de cette époque-là que l'image caricaturale qui a été créée par Edmond Abboud dans les années 50 commence à s'abaisser, son importance. On a aussi les études sur le grec moderne. Et on commence à parler de l'instruction, dans l'instruction publique, de réinstaller le grec, d'installer le grec moderne dans l'instruction publique. Et ça, c'est très important parce que cela montre qu'on valorise la langue moderne, ça signifie qu'on valorise à la fois le peuple moderne. On voit qu'il y a des principes importants là-dedans. C'est en 1882, l'Orient Express, par exemple, et qui relie Paris à Constantinople, crée des déceptions. Par exemple, Edmond Abboud encore, il écrit un récit de voyage de Pontoise à Istanbul, où il regrette un peu ce confort, cette modernité. Et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'au début du siècle, on se plaint parce que le pays, c'est difficile, il fait froid, il n'y a pas d'auberge, il n'y a pas de nourriture qu'on connaît, il n'y a que des œufs durs et de poulet, comme écrit Flaubert. Et ensuite, dès que le pays se modernise, on déplore cette modernité, on commence à dire maintenant, il n'y a que des touristes qui voyagent avec leur guide Murray sur le nez, ils voient rien d'autre. Comme par exemple Marianne de Beauvais, c'était une femme, une voyageuse qu'on peut dire émancipée, parce que les femmes qui sont rendues en Grèce au XIXe siècle, on ne peut pas dire qu'il y en avait beaucoup, hein, et très souvent elles étaient accompagnées de leur mari. Donc Marianne de Beauvais, c'est un des exemples de femmes qui sont rendues en Grèce avec un groupe de femmes, donc ça c'est très très rare. Et elle avait déploré justement cette modernité, le fait que maintenant on voyage étape par étape avec un guide dans les sites touristiques. Aux côtés de Nicolas Surlapierre, commissaire de l'exposition intitulée « La Grèce des modernes ». J'ai voulu montrer, surtout à partir de 1933, que la Grèce fait l'objet de récupérations, et pas des moindres, et des récupérations notamment de la théorie, des théoriciens extrémistes, fascistes bien sûr, mais avant tout nazis. Vous pouvez nous citer quelques noms d'auteurs justement ? Je peux vous citer en tous les cas le grand, bien sûr tous les grands turiféraires nazis, je peux aussi vous citer le grand sculpteur qui va mettre ça quand même vraiment d'une manière très très... très très forte, qui est Arnaud Brecker, et qu'on va retrouver dans les années 40 à Paris, et avec les ambiguïtés que ce modèle pose. Bien sûr, Hitler en parle, Rosenberg en parle, Goebbels en parle. La Grèce, j'allais dire, intéresse énormément les nazis, parce qu'elle est au cœur de la théorie nazie. Pourquoi ? Parce que, selon eux, il y a deux racines à l'Aryen. Il y a bien sûr une racine indo-européenne, et il y a aussi l'autre partie de l'Aryen serait le grec. Et donc, forcément, on se retrouve avec un répertoire qui était dangereux, qui était récupéré d'une manière... Alors, je caricature, je n'exagère pas, mais je vais vite, donc je caricature. Hein, c'est beaucoup plus complexe que ça, comme toujours. Mais en tous les cas, il y avait cet enjeu par rapport à une grécité. Et c'est justement cet enjeu et cette grécité, cette nouvelle grécité, que les artistes vont prendre le contre-pied. Et ce contre-pied, c'est ce que j'ai vraiment essayé de montrer avec les commissaires Corinne Barban et Didier Quenette, que j'ai vraiment essayé de montrer dans l'exposition, c'est ben, quels étaient ces contre-pieds. Alors, quelle était cette Grèce, cette nouvelle Grèce qu'ils allaient essayer, ou quelle Grèce ils allaient essayer de voir, ils allaient essayer de défendre. Parce que ça arrivera jusqu'au combat antifasciste, et dans le très beau portfolio de Zadkine, les 12 combats d'Hercule, évidemment, il y a ce caractère de lutte antifasciste. Et un autre aspect qui est apparu dans l'exposition, qu'un moyen de parler de la Grèce sans qu'elle soit réutilisable à des fins, j'allais dire, déviantes politiquement, ou en tous les cas dangereuses politiquement, c'était tout simplement l'humour. Et cette entrée dans l'humour, de faire rire, et ça c'est une grande leçon des surréalistes, hein, c'est une façon de faire du mythe, ou d'utiliser les mythes grecs, d'une façon badine, dérisoire. Et ça, c'est aussi assez intéressant à analyser. En Grèce, tout est familier. On se rend compte qu'Hercule assommait les Argonautes avec ses histoires de chasse. Jean Cocteau. Et qu'ils l'ont plaqué dans une île où il allait abattre un arbre avec son petit copain Hylas, que le chien Cerbère était un chien de garde perdu par son maître, que les pommes d'or des Hespérides étaient des oranges. Quoi de plus beau qu'un pays où de telles fables poussent comme des arbres. Dans les écrits des artistes et des écrivains, enfin, on se rend compte que le voyage en Grèce, les infrastructures sont lacunaires, hôtelières j'entends, c'est encore un voyage un peu aventureux, un peu périlleux, il y a encore un goût d'aventure qu'il n'y a plus vraiment en Italie au XXe siècle. C'est assez étonnant de voir cela. Et notamment, Michel Léris, quand il parle de l'hôtellerie en Grèce, ou même des auteurs moins connus comme Bertrand, qui disent, mais c'est absolument, j'allais dire, sans jeu de mots, idiot, spartiate. Vraiment très. Même prendre le train, ça prend des allures d'épopée. Donc, tout est complexe. D'où aussi une explication du goût pour la croisière, parce que ça permettait par le cabotage d'aller de port en port, d'éviter et d'avoir l'hôtellerie à bord, si je puis dire, une hôtellerie moderne, une hôtellerie plus conforme. Donc, il y a ces balancements avec un pays qui a une certaine forme d'archaïsme et même de brutalité par rapport à l'hospitalité. Simone de Beauvoir, 1937. Nous sommes montés à dos de mulet au temple de Bassaï. Nous avons gagné en car Sparte où il n'y avait rien à voir. Et Mystra, nous avons dormi sur le sol d'un palais démantelé. Quand nous avons ouvert les yeux, 5 ou 6 visages encadrés dans des fichus noirs se penchaient vers nous avec perplexité. Nous avons visité toutes les églises, regardé toutes les fresques, saisis et ravis par cette massive révélation de l'art byzantin. Dans l'ossuaire, Sartre a volé un crâne que nous avons emporté. Assis dans la fraîcheur du palais du despote, nous eûmes une des 2 ou 3 mémorables disputes de notre vie. J'avais projeté de monter au Tégète, ascension 9h30, descente 5h30, refuge, source. Sartre a dit non, catégoriquement. Il tenait à sa peau. Et je pense qu'en effet, nous aurions pu plus ou moins mourir d'insolation dans ces déserts de pierre où on se perdait si facilement. Mais voir se lever le soleil en haut du Tégète, pouvait-on manquer ce miracle ? Nous le manquâmes. Finalement, on est encore dans une tradition, même si la Grèce a changé, même si la société a changé, qui reste héritière du grand tour. C'est-à-dire que pour parfaire l'éducation d'un jeune homme ou d'une jeune fille, il fallait absolument connaître le bassin méditerranéen, principalement aussi l'Italie et aussi la Grèce, et il fallait faire le tour de l'Europe pour avoir une vraie connaissance des civilisations, au moins des cultures. Et donc, finalement, lorsqu'on reprend tous ces récits de voyage, parce qu'il y en a, on se rend compte qu'il y a cette... Ils sont encore dans cette tradition-là. C'est une tradition extrêmement pérenne, alors avec les aventures qu'on connaît de Michel Léris lors de son voyage en Grèce, pitoyable par un certain côté et très drôle par un autre côté, aussi le fait que c'est un voyage qui peut être déceptif, ou encore plus avant, puisqu'on est allé, notamment le catalogue de l'exposition en parle, enfin, sur les traces de Heidegger, lorsqu'il décide enfin d'aller en Grèce. Alors lui, grand lecteur des philosophes grecs, il va en Grèce et il refuse d'aller voir les temples, il refuse d'aller voir les lieux, il reste dans le bateau, justement. Donc vous voyez, c'était quelque chose d'assez violent, d'assez fort, pour pas être déçu, pour pouvoir justement continuer de rêver la Grèce plutôt que de la voir. Et ce que j'aimais bien dans cette idée de voyage en Grèce, c'est que très souvent dans les écrits et ou dans les carnets de voyage des artistes, ça faisait appel à la faculté d'imagination et de reconstitution. C'est-à-dire, comme il restait, parfois, il y a des choses assez en place, mais il y a quand même beaucoup de choses qui étaient détruites, quelques cailloux, quelques colonnes, ça faisait appel à une faculté d'imagination pour recréer ce qu'avait pu être une Grèce que, de toute façon, d'ores et déjà, était perdue, d'une part, et d'autre part, a été complètement déformée. Mais ce qui m'émeut le plus, c'est la terre. C'est le sol de l'acropole. Sir Stevens, 10 juin 1967. Les gens qui vont à l'acropole ne remarquent même pas cette chose stupéfiante, que ces temples de marbre ne sont pas entourés par des galeries, par des dallages et par des escaliers de marbre. C'est le sol nu, la roche telle qu'elle était quand on a commencé à construire. Et cela vient de quoi ? Cela vient de ce que la terre, pour les Grecs, était la divinité suprême. Ils n'ont pas voulu toucher à la divinité qu'était la terre. Et là est tout le génie grec. C'est-à-dire la plus haute pensée bien établie sur le sol. Et finalement, je me suis posé la question, si le voyage en Grèce n'était pas une des dernières grandes épopées romantiques ou orientalistes, ça c'est une question qu'on peut se poser, c'est pas exotique. C'est ça qui est très étrange. J'ai pas tout lu, évidemment, mais moi je n'ai pas trouvé d'exotisme. Et c'est ça que je trouvais intéressant, c'est qu'il n'y avait pas d'exotisme. Donc, en tous les cas... C'est plutôt un lieu... Où l'on puise les récits fondateurs d'une civilisation. Oui, voilà. Où on puise, finalement, tout ce qui forme, sans qu'on le sache, et ils n'ont pas osé mettre le mot dessus, mais qui est la psychanalyse en réalité, tout ce qui fonde l'individu. Pourquoi on répète certains gestes, pourquoi on répète certaines situations, pourquoi par moments on a l'impression d'avoir vécu cette situation. Et ils trouvent ces justifications dans les mythes, dans certains paysages, dans certaines façons. Mais... peut-être je peux me tromper, puisque bien sûr ma lecture est sur un corpus, sur une période, mais je n'ai pas senti du tout d'exotisme, et c'est ça que j'ai aimé. Contrairement à l'Orient, qui fourmille d'exotisme, et j'ai trouvé que ça, c'était fondamentalement, je veux dire, presque plus moderne, d'une certaine manière. Grèce ancienne, Grèce du soleil, Grèce contemporaine. Jean-Yves Boriot a guidé de nombreux voyageurs français à travers la Grèce au cours des années 70. En 70, j'ai découvert, étant donné ce qu'avait été l'enseignement que j'avais pu recevoir, j'ai découvert qu'à côté des sites grecs, c'est-à-dire l'Acropole, Delphes, Olympie, etc., il y avait une Grèce, il y avait une autre Grèce. C'est-à-dire, c'est cette Grèce contemporaine dont vous parlez. Mais pour moi, ça a été une véritable découverte, parce que je n'avais, au sujet de la Grèce contemporaine, aucune information précise. Là, oui, si, j'en laisserai quand même une de côté, c'est celle du contexte politique. Nous étions très informés du contexte politique. En 70, évidemment, sévissait en Grèce une dictature particulièrement redoutable. Et là, nous avions des informations en France, des informations assez nombreuses, étant donné que beaucoup d'intellectuels avaient quitté la Grèce pour se réfugier en France. Donc, de ce côté-là, j'avais des informations. Mais en ce qui concerne le quotidien dans cette Grèce, qui était pour moi une Grèce des monuments, en ce qui concerne ce quotidien, je n'avais que des stéréotypes en tête. Et la connaissance du grec moderne m'a permis de pénétrer dans des familles et vraiment de comprendre un peu mieux comment fonctionnaient les Grecs, et non pas seulement comment fonctionnaient les Grecs d'Athènes. Parce qu'on a essayé dans les années 75 d'imposer dans les campagnes le modèle athénien. C'est pourquoi vous aviez dans tous les petits villages un poste de télévision sur la place publique. Ça ne date même pas des années 75, il faut remonter plus en arrière, ça doit dater des années 70 à peu près. C'est la dictature qui a imposé cela. Et pourquoi a-t-elle imposé ces postes de télévision dans les villages ? C'est essentiellement pour transmettre le modèle athénien. Ce modèle athénien qui se voulait un modèle occidental. Mais la Grèce a, dans sa presque globalité, a résisté à tout cela. Quels étaient les Français que vous pouviez rencontrer ou que vous pouviez guider en Grèce dans ces années-là, à la fin des, enfin, la deuxième moitié des années 70, Jean-Yves Boriot ? Oui, alors c'était le cœur des voyages était constitué de professeurs de lettres classiques et d'étudiants de lettres classiques. C'était des gens qui, comme moi, avait voulu s'initier à la réalité de la Grèce archéologique et qui, enfin, pour certains, très tardivement, voulait découvrir la réalité de l'acropole, toucher du doigt ce que c'était que Delphes, qui voulait voir que, et constater que Delphes n'était pas uniquement une manière de topos, un lieu commun rhétorique, mais que Delphes avait une réalité, que le magnifique paysage de Delphes avait une réalité. Bon, et ces gens-là, mais vraiment des gens de tous les âges, hein, venaient enfin faire le fameux voyage en Grèce. Il y avait un autre tourisme qui se développait à l'époque, c'était un tourisme du soleil. Hein. Vous vous souvenez peut-être des affiches dans le métro proclamant que le soleil, la mer avait un pays, de point la Grèce. Alors, oui. Il y avait donc des gens qui allaient en Grèce pour bronzer. Alors on les retrouvait en certains points précis de la côte et on les retrouvait dans certaines îles, bon, on peut les nommer dans certaines îles comme Mykonos. Ces gens passaient par des organismes très célèbres, là je ne les nommerai pas, mais tout le monde les connaît, et souvent, ces gens souffraient d'une frustration archéologique. Et souvent, nous voyions des gens qui voyageaient ainsi venir rejoindre nos groupes, nous demander qui nous étions, parce qu'ils étaient également à la recherche d'une information à caractère archéologique. Ce que j'ai constaté, c'est que montait évidemment en puissance à cette époque-là, un tourisme grec de repos et de consommation de soleil et de mer. Et un tourisme donc qui se voulait aussi coupé que possible des réalités de la Grèce contemporaine. Une Grèce réelle que Jean-Pierre Vernant découvre dans les années 30 sous une autre dictature, celle de Ioannis Metaxas. Jean-Pierre Vernant, 1er juin 1994. J'ai débarqué au Pirée. Le Pirée, à ce moment-là, n'a aucun rapport avec le Pirée d'aujourd'hui. C'était un petit port oriental. C'était admirable. Plein de vie, ça grouillait, il n'y avait pas de bagnole, ou presque. Et donc, le soir, on déambulait, et dans les cafés, dans les bistrots, on attendait qu'il fasse tout à fait nuit et que nous allions... Notre but était d'aller dormir sur une plage, au Pirée. Alors nous étions dans un bistrot, et alors les marins ont dit « Ah, voilà, ils ont été chercher un phonographe ambulant, et ces marins grecs nous ont invités à danser. » Alors on a dansé, Yannick et moi, en jouant un rôle féminin avec ces marins grecs, au son d'un phonographe ambulant. Et on nous a emmenés sur la plage, une vraie plage, où il y avait juste une maison où habitaient ces types, qui d'ailleurs, manifestement, ils nous avaient pris pour des homosexuels. Et le lendemain matin, les pêcheurs ont tiré leurs filets. On a été réveillés comme ça. Mais à aucun moment, je veux dire, vous n'avez fait appel à toute une mémoire de la Grèce ancienne quand vous étiez là-bas, en Grèce. Non. Jamais, jamais. Non, c'était pas mon affaire. Je m'intéressais à la vie réelle. 35, replacer ça dans le contexte. En France, il y avait eu 34, il y avait eu le 6 février, où on était en pleine bagarre antifasciste. Il y avait les Allemands d'un côté, les Italiens qui étaient de l'autre, il y avait les Espagnols qui allaient sortir. C'était en Grèce un régime du même tabac. Donc c'est ça qui m'intéressait. Le peuple grec authentique, malheureux, soumis à une sorte de dictature conservatrice. Noyé de bleu sous le ciel grec, un bateau, deux bateaux, trois bateaux s'en vont chantant.